Le singe et le poids. Fable. Le singe, tenant deux causses de poids, un grand tomba. Le singe voulut le ramasser et en laissa tomber 20 autres. En les cherchant, il dissémina le reste. Alors, il se fâcha, piétina tous les poids et s'enfuit.